The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Attention! This show may contain explicit lyrics. Attention, certaines paroles de chansons dans cette émission peuvent être inappropriées pour certains auditeurs. Bonjour, you're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2, brought to you by Bonjour Minnesota and French and Fiances Radio Show Therapy. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Bonjour, hello, this is Freddy Le Tit Idéal. Now we're gonna listen to a playlist made by Cricri and Caro. So Christiane and Caroline Lorenz, respectively mom and sister of Romain Lorenz. It's some of their favorite songs. Allez, on y va. First, we're gonna start with Gérard Lenormand with La Petite Valse, The Little Waltz. Then Serge Reggiani with Venise n'est pas en Italie. Venice is not in Italy, and Francis Cabrel with L'encre de tes yeux, and it's an image. It literally means the ink in your eyes, but he meant to say that looking at her eyes, that's what inspired him, the ink, in order to write, whether it's song or poems. Y'a des images dans ma tête, des manèges à la fête, vaut mieux pas y penser. Y'a des jeudis sous la pluie, des mots d'amour qu'on dit, faudrait les oublier. C'est du chagrin, de la romance, tous mes souvenirs d'enfance. Y'a que sur les photographies qu'on a l'air de s'amuser. L'accordéon, moi ça me fait pleurer. Et puis tous ces violons, je peux pas les écouter. Tous ces petits bals de province, ces fiancés de 15 ans, faudrait les faire danser. C'est du chagrin, de la romance, ces amours adolescentes. Ça te prend vite un goût de larmes et de baisers volés. Moi, je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. De la dentelle bretonne à ceux qui ont des habits troués. On a tous partout pareil, quelque chose à regretter. On se frotte les yeux au soleil quand nos larmes ont séché. Y'a des rendez-vous d'automne dans un café, personne, vaut mieux pas y retourner. On reste tout seul en somme avec un téléphone qu'on n'ose plus appeler. Ça te bousille toute la tendresse quand tu changes tout le temps d'adresse. C'est pas une vie d'être acteur dans une bande dessinée. Moi, je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. De la dentelle bretonne à ceux qui ont des habits troués. On a tous partout pareil, quelque chose à regretter. On se frotte les yeux au soleil quand nos larmes ont séché. Y'a des histoires de retrouvailles, des regards qui font mal, vaut mieux pas se regarder. Y'a des trucs qu'on voudrait dire, des mots bateaux qui inspirent mais on ne sait plus parler. Ça te fout du blues dans ton âme, de s'appeler monsieur, madame. Ça te prend au cœur la douleur de l'amour, amitié. Moi je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. De la dentelle bretonne à ceux qui ont des habits troués. On a tous partout pareil, quelque chose à regretter. On se frotte les yeux au soleil quand nos larmes ont séché. La la la la la la la la la la la la la la la la. On a tous partout pareil, quelque chose à regretter. On se frotte les yeux au soleil, on se frotte les yeux au soleil. On se frotte les yeux au soleil quand nos larmes ont séché. T'as pas de quoi prendre un avion, ni même un train. Tu pourrais pas lui offrir un aller Melun, mais tu l'emmènes, puisque tu l'aimes, sur des océans dont les marins n'ont jamais, jamais vu la fin. Tu as le ciel que tes carreaux t'ont dessiné, et le soleil sur une toile de ciné. Mais tu t'en fiches, mais tu es riche, tu l'es puisque vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais du l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Vous n'êtes plus dans cette chambre un peu banale. Ce soir vous avez rendez-vous sur le canal. Feu d'artifice, la barque glisse. Vous allez tout voir, tout découvrir, y compris le pont des soupirs. Ça durera un an ou une éternité. Le temps qu'un dieu vienne vous dire assez chanté. Quelle importance, c'est les vacances. Tout ça parce que vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. C'est important, c'est important, mais ça n'est pas n'importe quand. Venise c'est quand tu vois du ciel couler sous des ponts Mirabel. C'est l'envers des matins pluvieux, c'est l'endroit où tu es heureux. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. C'est n'importe où, c'est important, mais ça n'est pas n'importe quand. Venise c'est quand tu vois du ciel couler sous des ponts Mirabel. C'est l'envers des matins pluvieux, c'est l'endroit où tu es heureux. Jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux,

soir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regardera-t-elle? Éric voulait explorer le subconscient, remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir, si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. Changer. Qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. L'amour mort à une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Ah, c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. Attendez-moi. Attendez-moi. Attendez-moi. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, si on est devenu des grands hommes. Des grands hommes. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux musettes, mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée

t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pose. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc. Je n'en ai nulle envie, j'aime ma liberté, et puis, de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors, ce mariage, entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi sur sa situation. Mais tu étais cloîtré. Je t'ai écrit 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est déjà, le café va fermer. Viens, oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes, comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non, non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin d'un bain d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau enfin, si c'est possible, si tu en as envie, si tu es disponible. Si tu n'as rien oublié, comme moi qui n'ai rien oublié. Les ruelles de l'Italie et les bains des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage. Si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs. Si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan. Si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille où je sens, si tu as peur de la foule, mais supporte les gens, si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant. It was Edith Piaf with La Vie en Rose, then Charles Aznavour with Non, je n'ai rien oublié, and then Benjamin Biolay with Ton héritage. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Françoise Hardy, Jacques Dutronc's wife, and Thomas Dutronc's mom. She passed away not that long ago. And she's going to sing L'Amitié, or The Friendship. Then we're going to listen to Eddie Mitchell with La Dernière Séance, The Last Viewing, and it's a live version, where the neighborhood cinema is going to close before being changed into something different, but not a movie theater anymore. Then Michel Fugain with Viva la Vida, and it means Vive la Vie, or Hooray for Life, but the title is in Spanish, but most of the songs in French. Avec soleil et pluie comme simple bagage, ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi. Repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur. Comme un nouveau-né, je relève mon strapontin,

It was Françoise Hardy with L'Amitié, then Eddie Mitchell with La Dernière Séance, live, and Michel Fugain with Viva la Vida. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Jean-Jacques Lafont with The Géant de Papier at the Paper Giant, then Cookie Dingler with Femme Libérée, Free Woman, or like Independent Feminist Woman, and then Jean-Pierre Madère with Macumba. It was a big success. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable. En cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un match s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Et elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu

It was Jean-Jacques Lafont with Le Géant de Papier, then Cookie Dingler with Femme Libérée, and Jean-Pierre Mahler with Macumba. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Désirless with her biggest success called Voyage Voyage, Travel Travel. Then Claude François with Alexandrie Alexandra, very disco. And Dalida with Mourir sur scène, Dying on Stage, also disco. Voyage.

mais déjà on s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Was Desireless with Voyage Voyage, then Claude François with Alexandrie Alexandra, and Dalida with Mourir sur scène. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Sim and Patrick Topalov, and these two were also comedians. And the name of the song, Où est ma chemise grise, Where is my grey shirt, is a parody. Then we're going to listen to two songs from Jacques Dutronc, Les Cactus, and then Il est 5 heures, Paris s'éveille, The Cactiles, and then It is 5 o'clock, Paris is waking up. Depuis que je danse comme Travolta, tombe dans les bras. Alors bébé, accroche-toi et trouble-moi. Leur pâtée, les billets, je l'ai pourtant bien rangé. T'en vas pas, pas comme ça. J'ai dit je vais la trouver. Trouble-moi, trouble-moi. C'est tout, tout. Où l'as-tu mise? Où l'as-tu mise? Où, où, où? Allez. Où est-ce que je l'ai mise? Où est-ce que je l'ai mise? Où, où, où? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Où l'as-tu mis? Où l'as-tu mis? Où, où, où? Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. It was Sim et Patrick Topalov with Où est ma chemise grise, then Jacques Dutronc with Les Cactus, and then Il est 5 heures, Paris s'éveille. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. KFAI is a listener-supported radio. Please help if you can. Go to kfai.org and click on donate. Et voilà, c'est fini. À la prochaine. And stay tuned for the next show on KFAI and Mixcloud.